Isanganiro. Elie ni belle, ni vigira. Avec la mise en onde assurée par Elie Kadogo, merci de nous rester fidèles et bienvenue à cette édition dominicale de la mi-journée. D'abord au sommaire. C'était ce samedi 15 septembre, qu'a été célébrée la journée mondiale de la démocratie. Au Burundi, le vice-président du parti Sawanya Frodebou trouve que elle n'existe que dans les textes, mais du côté de l'expert en sciences politiques, le Burundi connaît quelques acquis démocratiques indélébiles. Vous entendrez plus de précisions dans cette édition célébration ce dimanche de la journée internationale dédiée au transport public. Vous suivrez les habitants de la mairie de Bujumbura qui déplorent la vétusté et l'insuffisance des bus de transport. Et à Muyinga, on nous parle des ex-prisonniers ayant réussi leur vie après avoir été libérés par la grâce présidentielle. Nous appellerons Dieudonné Nzeyimane en fin de ce journal. Comme tous les dimanches, vous aurez droit à la chronique nutrition. Celle d'aujourd'hui vous parlera du fruit appelé la pastèque. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, ouvrons ce journal par la page sécurité. Trois personnes ont trouvé la mort et 8 autres blessés ce matin suite à un accident de roulage d'un véhicule de type Ben produit sur la colline Kavumo en zone Masango de la commune Wukinanya Namsom en province de Chibitoke. Des sources policières parlent d'excès de vitesse à l'origine de cet accident mortel. La population environnante et les usagers de cette route demandent que les excès de vitesse soient punis, d'autant plus que les accidents surviennent en abondance dans cette localité. Le commissaire provincial de la police à Chibitoke, au peuple de la chance et à l'Elimana, fait savoir que les auteurs d'excès de vitesse sont punis et promet que même les permis de conduire leur seront retirés. Et certains habitants usagers de bus de transport dans la mairie de Bujumbura affirment que l'insuffisance de bus de transport les empêche souvent de mener différentes activités comme il se doit. Ils regrettent également la vétusté de ces véhicules de transport. C'est au moment où le monde célèbre la journée du transport public. Tous les 16 septembre, ces habitants demandent que le nombre de bus de transport soit accru. Suivez certains de ces habitants qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro. Nous avons un problème ici au centre-ville. Quand vous voulez vous déplacer 10 quartiers vers le centre-ville où vous allez vaquer à vos activités, il y a un problème. Vous arrivez à un arrêt bus, vous attendez des bus un grand temps, plus de 30 minutes. Quand vous retrouvez, vous passez plus de 30 minutes encore dans le bus parce qu'il y a un embouteillage. Et quand vous arrivez au travail, on vous gronde, on vous dit que vous avez passé outre la loi, que l'heure de travail c'est 7h30. Mais on ne compte pas sur les difficultés de transport que vous avez connues. En cours. Moi, je préfère dire que prendre le bus, c'est mieux. Mais il y a quand même quelques questions pour les chauffeurs qui roulent trop vite. On aimerait être transporté comme des personnes. C'est qu'on nous entasse dans les bus n'importe comment. Normalement, il y a une loi qui dit que dans les bus IAS, le nombre maximum de clients doit être de 15. Mais il arrive, le chauffeur est toujours, il essaie toujours de serrer pour gagner les 400 francs. C'est-à-dire qu'on s'embarque à 16, presque toujours, au lieu de 15. Les bus, normalement, ont des terminus. Il arrive des fois où les transporteurs n'arrivent pas au terminus. Quand ils voient que les clients diminuent, au fur et à mesure qu'ils sont déchargés, ils font des détours. C'est-à-dire qu'ils retournent en ville sans toutefois arriver au 18e avenue, à Kinanéa 2. Les problèmes que nous avons dans le transport public, c'est que les bus sont très peu, nous nous alignons et nous arrivons pendant la nuit. Quand tu vas à Kanyosha et que tu étais sur la queue à 18h, tu peux arriver à la maison à 21h. Ceci est un problème. Autre chose, le prix du bus a été rehaussé, ça aussi est un problème, alors que nous n'avons pas de moyens. C'était le micro-trottoir de la radio Isanganiro et nous avons tenté de joindre l'association des transporteurs du Burundi, mais sans succès. Page politique, comme je vous disais en titre, au lendemain de la célébration de la journée internationale dédiée à la démocratie, au Burundi, elle n'existe que dans les documents comme confirmé par Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebou. Il explique que les contraintes de la démocratie, comme les assassinats, les détentions illégales et les malversations économiques sont toujours d'actualité. Il se trouve que pour renforcer la démocratie au Burundi, les problèmes causés par la situation politico-sécuritaire survenue en 2015 doivent d'abord être résolus. On l'écoute. Nous sommes déjà entrés en démocratie. Mais le Burundi est un pays qui n'a pas de tradition démocratique, qui n'a pas de tradition parlementaire. Ça veut dire où les pratiques de consolidation, de renforcement des principes et des valeurs démocratiques ne sont pas totalement acquis. Deux, nous nous rendons compte que beaucoup de Burundais, à commencer par le pouvoir, ne comprennent pas que nous sommes en train de passer des régimes militaires et dictatoriaux au régime civil et démocratique. Troisièmement, les piliers de la démocratie. Quels sont les partis politiques? Quels sont la société civile, quels sont les médias, quelles sont les élections bien préparées, ne sont pas fonctionnaires aujourd'hui, sont en difficulté, violence, disparition forcée, emprisonnement abusif et arbitraire. Donc ça ne favorise pas l'émergence d'une véritable démocratie dans le pays. Mais lorsque vous dites que les partis politiques ne sont pas fonctionnels ici au Burundi, il y a des partis qui sont fonctionnels. Votre parti, Sahania Frodebo, est à l'œuvre aujourd'hui. Même le parti CNDD-FDD, qui est censé être au pouvoir, qui est censé avoir gagné les élections par la voie démocratique, ne fonctionne pas comme un parti qui fonctionne en démocratie. Nous voyons, nous constatons, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. On les voit. Comment les réunions sont préparées, comment les décisions se prennent. Les autres partis ne fonctionnent pas. Ils fonctionnent dans certains de leur permanence, mais un parti politique qui ne parvient pas à faire des descentes, à organiser des descentes sur le terrain pour débattre, discuter de la vie du pays avec ses militants, ce n'est vraiment pas un parti politique qu'on peut dénommer démocratique. Que faut-il faire alors pour consolider cette démocratie dans notre pays? Comme la démocratie est état mar nécessaire, des élections mar préparées ont généré des crises. Nous devons prévenir cela. Et pour le faire, partant de ce qui s'est passé en 2015, il faut obligatoirement et impérativement aujourd'hui faire en sorte qu'il y ait un accord qui met fin à la crise générée par la violation de l'accord d'Arusha de la Constitution en 2015. Mais le Burundi a quelques acquis démocratiques qui ne peuvent pas s'effacer définitivement. C'est du moins le point de vue d'un expert et doctorant en sciences politiques, Denis Banchimi-Boussa, qui donne l'exemple de l'accession au pouvoir par la voie des urnes, le multipartisme, la liberté d'expression et d'association, etc. Mais aussi, il y a des défis. Les partis politiques ont un grand rôle dans le renforcement de la démocratie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Suivez Denis Banchimi-Boussa au micro de la Hansa Vitaliou. Parfois, les élections ne sont pas véritablement sincères, ne sont pas disputées. Et là, nous n'arrivons pas à des institutions légitimes. Alors, il faut des leaders crédibles et légitimes. Et pour avoir des leaders crédibles et légitimes, il faut avoir des élections sincères. Et pour avoir des élections sincères, il faut des compétiteurs que sont les partis politiques. Il faut que ces partis politiques aient la force nécessaire pour exister et pour fonctionner. Et pour que cela arrive, il faut ouvrir l'espace politique pour une animation politique des partis politiques sur le terrain. Tout le monde sera sur le même pied d'égalité et on pourra faire une compétition équitable. On assiste à des partis politiques qui se scindent en deux ailes ou même plus. Pourquoi cette situation? Les raisons sont multiples. Il peut y avoir des raisons internes aux partis politiques. C'est ce qui se manifeste souvent, même si par après, on pense que c'est venu de l'extérieur. Par exemple, l'absence de démocratie à l'intérieur des partis politiques pousse au mécontentement de certains leaders politiques qui se révoltent parce qu'ils trouvent que les partis politiques ne sont plus sur la ligne qu'ils s'étaient donnée. Alors, ils partent pour fonder leur propre parti politique, ou alors, il peut y avoir certains leaders partisans qui ne veulent pas quitter la tête de leur parti politique à la fin de leur mandat. Alors, cela mécontente d'autres leaders. On peut aussi avoir des causes externes. Cela est dû à la peur de certains partis politiques qui peuvent s'inquiéter de la force des autres formations politiques, croyant qu'au moment des élections, ces partis politiques forts pourront les battre et ils essayent de les affaiblir en les divisant. Mais là encore, il faudrait nuancer parce que si on va dans un parti politique et qu'on sollicite un leader partisan pour quitter son parti et affaiblir son parti en allant fonder un autre parti politique, la cause revient toujours à l'interne de son même parti politique. Denis Banchimi-Boussa, il est expert en sciences politiques. Après une courte pause, Page Justice au rendez-vous. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h05, poursuivons ce journal par cette page justice. Certains des habitants des provinces n'ayant pas de prison demandent que les distances soient raccourcies. Le cas étant celui de la province Chivitoke, anciens prisonniers et familles parlent d'une séparation douloureuse. Du côté de l'association Nabaleza militant pour les droits des détenus et de leurs familles, l'on plaide pour rapprocher les détenus de leur province d'origine. À la Direction générale des affaires pénitentiaires, l'on précise que la solution n'est pas de construire d'autres maisons carcérales, mais l'on reconnaît que cela allégerait le fardeau de certaines familles. Mireille Kanyang. Il s'appelle Butoyi, il habite la commune Buganda de la province Chivitoke, une des 8 provinces du pays sur les 18 qui n'ont pas d'établissement pénitentiaire. Butoyi a un fils détenu à la prison centrale de Mhimba en mairie de Bujumbura. Cela fait 3 ans. Il indique que c'est difficile de rendre visite à son fils chaque fois que de besoin, faute de moyens. C'est trop difficile d'aller tous les jours à la prison. Je commence à y aller une fois le mois pour manque de moyens. Même un mois peut passer sans y aller à cause du manque de moyens. Les tickets sont difficiles à trouver. Même mes produits souffrent de la mévente. C'est douloureux, dit-il, d'être séparé par de longues distances. Jean-Claude Wigrimana, quant à lui, est natif de la commune Rugombo, de la même province de Chivitoke. Il a passé 5 ans en prison avant d'être libéré par grâce présidentielle. Ma famille ne me rendait pas visite car elle n'avait pas de moyens et elle ne savait pas même l'endroit. Elle est arrivée en retard avec une personne qui l'accompagnait. Ce n'était pas facile. J'étais désespéré qu'elle n'existe plus. J'avais de la nostalgie de voir mes parents s'assister. Jean-Marie Nshimirimana, président de l'association Nabariza, militant pour les droits des détenus et de leurs familles, il affirme recevoir des personnes qui demandent que leurs membres de la famille soient rapprochés de leur province d'origine. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui font recours à nous, souhaitant qu'ils soient incarcérés proches de leur province. Constatant ce souhait, il faut que la direction des affaires pénitentiaires et le ministre de la Justice pensent à construire d'autres prisons. À l'association Nabariza, aucune faute sera commise. Nous avons passé dans ces problèmes pendant presque 12 ans. Quelqu'un qui est incarcéré loin de sa famille, c'est pas la même chose comme celui qui est incarcéré proche des siens. Du côté de la Direction générale des affaires pénitentiaires, l'on précise que la solution ne serait pas de construire d'autres maisons carcérales. Cependant, Gervais Rajayandi affirme que cela faciliterait les familles obligées de parcourir de longues distances et réduirait le temps et les moyens affectés aux différentes visites. Les 8 provinces n'ayant pas d'établissement pénitentiaire sont Bujumbura rural, Changuzo, Chivitoke, Kayanza, Karusi, Kirundo, Makamba et Moaro. Merci Mireille Kanyange. À Muyinga, les anciens détenus libérés parfois par grâce présidentielle font partie de ceux qui rejoignent les prisons après avoir commis d'autres forfaits. D'après les anciens détenus, maintenant libres en cas d'infraction, la police devrait toujours éviter des précisions qu'il s'agit d'un ancien prisonnier, car il y a ceux qui ont bien réussi leur intégration sociale. Dieudonné Nzeyimana, la correspondance. Le récent ancien prisonnier à être de nouveau arrêté est un certain Samuel Hatungimana de la colline Nyenzi, commune Gitobe, province Kirundo. Il est au cachot de Muyinga. C'est après que jeudi et vendredi, la police ait découvert 3 corps sans vie enterrés dans sa parcelle. Il avoue avoir lui-même enterré les 3, moyennant une prime oscillant autour de 30 000 francs par corps. Des victimes déjà identifiées, c'est de 2 motards disparus avec leur moto depuis la ville de Muyinga. Samuel est sorti de la prison d'Ongozi en 2013 par grâce présidentielle dans la catégorie des prisonniers souffrant des maladies chroniques. Après avoir séjourné en prison durant 6 ans et pour meurtre, il n'a pas pu se réintégrer. C'est la pauvreté qui m'a poussé à coopérer avec les tueurs depuis 2017, reconnaît le nouveau inculpé. D'après les policiers, les personnes relâchées ne tardaient pas à retourner en prison. Au moins une dizaine d'hommes libérés depuis février par grâce présidentielle ont déjà rejoint la prison de Muyinga. D'anciens prisonniers parlent de globalisation. Des exemples de ceux qui ont réussi à s'intégrer sont donnés en commerçant de vêtements importés d'Ouganda au marché de Muyinga, un spécialiste de la peinture des maisons ou encore un homme envié en installation électrique, d'où les autorités compétentes en matière de libération conditionnelle ne devraient pas être découragées par la tranche des fautifs de Muyinga. De Denise Imana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzaïmane. Une partie des fonds équivalents à 500 millions destinés aux communes chaque année devrait couvrir les besoins en infrastructures dans le domaine de l'enseignement aujourd'hui confronté à plusieurs difficultés. C'est du moins une doléance exprimée par la population de la commune Manda lors d'une réunion élargie du conseil communal tenue ce vendredi en commune Manda. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La lycopène et la bêta-carotène A sont certaines des substances composantes de la pastèque, comme le dit le directeur général de Nutrition and Food Technology for Health, un centre de recherche et médecine à base d'aliments. Maître Alexis Halimenshi explique que ces substances aident l'organisme dans la prévention de certaines maladies comme le cancer et la cécité. Plus de détails dans cette chronique nutrition préparée et présentée par Gertrude Mawenay. La lycopène est l'une des substances composantes de la pastèque qui joue le rôle de neutraliser les substances toxiques de l'organisme provenant d'autres aliments, comme l'explique Maître Alexis Harimenshi, directeur général du Nutrition and Food Technology for Health, un centre de recherche en nutrition et de médecine à base d'aliments. À la base des recherches scientifiques révélées par les experts, la pastèque est riche en une substance connue sous le nom de lycopène. La lycopène est une substance antioxydante, c'est-à-dire qui neutralise les substances toxiques qui entraînent bien des maladies chroniques comme le cancer, l'inflammation chronique, le vieillissement cellulaire précoce et bien d'autres problèmes de santé liés à la dégénérescence cellulaire. Donc, la pastèque est un fruit très essentiel dans la prévention contre la dégénérescence cellulaire, le vieillissement et les diverses tumeurs cancéreuses dans le corps humain. Et attention, je ne dis pas que la lycopène est nécessaire pour le traitement curatif du cancer, mais pour la prévention. La pastèque contient également la bêta-carotène A qui aide dans la prévention contre certaines maladies dont la cécité, comme le dit Maître Alexis Harimenshi. Dans la pastèque, la bêta-carotène A qui est convertie en rétinol prévient contre les maladies oculaires diverses, y compris bien sûr la cécité ou l'aveuglement. Il désactive les radicaux libres, c'est-à-dire des substances réactives qui circulent dans le sang pour la dégradation de notre ADN, acide désoxyribonucléique, en vue de dégénérer en tumeur cancéreuse. Elle entretient le système cardiovasculaire dans le fait que la vitamine A prévient contre l'accumulation du cholestérol dans le sang pour encraser nos artères. Ce fruit à multiples vertus contient aussi la vitamine C qui intervient dans la production des globules blancs dont l'organisme a besoin pour combattre les maladies, comme l'explique Maître Alexis Harimenshi. D'autres composantes de la pastèque, ce sera dans la chronique nutrition de la prochaine fois. Merci Gertrude Mawenay, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Erika Dogo pour la mise en onde. Elie Niben Nibigira, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous dans la présentation de cette édition. Excellente après-midi à tous, au revoir.